à Michel pour débuter. Bien, alors je me présente, Michel Barthélémy, je suis sociologue au sein des études des mouvements sociaux, Institut Pouzelmos, CMRS, et donc je suis l'un des co-organisateurs du séminaire Poétique des sciences. Un petit peu d'histoire, ce séminaire est né dans le sillage du mouvement universitaire de 2009. C'est un peu le vilain petit canard de l'école, quoi. Qui le demeure. Et donc nous recevons des auteurs bien souvent qui ont pour caractéristique de présenter les questions relatives à la crise de l'université, mais pas seulement, également d'une manière générale à balayer les effets des réformes néolibérales dans les secteurs publics, la santé, le fameux management par les chiffres, etc. Et finalement, essayer de rendre compte un peu de l'hétéronomisation croissante de la société. Et nous avons rendu compte de pas mal de publications depuis toutes ces années qui sont sorties sur ces questions. Nos séminaires sont pratiquement tous accessibles sur notre site. C'est PDS, hein, Poétique des sciences, c'est en minuscule, point hypothèse, au pluriel, sans accent sur le E, et point org. Donc vous y trouverez soit les retranscriptions intégrales des différentes séances, soit les liens vers les fichiers audio. Et en fait, le problème auquel nous nous confrontons est toujours un peu celui indiqué par Emmanuel Brossa, je pense, dans un article de Contretemps, c'est-à-dire comme effet... La résistance s'organise aussi selon des formes qui sont elles-mêmes standards. C'est-à-dire, on fait des séminaires pour rendre compte d'une pensée autre que la pensée dominante, celle de l'ordre établi et autoritaire, mais en même temps, ça reste entre nous. Donc la question est toujours, c'est bien de décrire le monde, mais quand est-ce que la description, des outils de la description vont nous servir à le transformer? Voilà. Nous n'avons pas de réponse et nous avons été tout à fait intéressés par votre initiative qui précisément, me semble-t-il, rejoint certains travaux récents. Je pense à un ouvrage sur l'autonomie de Manuel Cervera. J'ai l'ouvrage, mais bien sûr, ma mémoire est telle que je ne me souviens pas du nom. C'est sur la pensée de Castoriadis, mais c'est toujours l'idée que j'ai retrouvée dans votre revue Illusio, qui est celle de penser d'utiliser des outils permettant de penser le monde et de donner en fait une sorte d'outil conceptuel pour précisément s'efforcer de le modifier. Alors, j'imagine qu'aujourd'hui on va pouvoir avancer un peu dans cette tâche. Voilà. Et je vous remercie d'être là.